D'après la radio sud-coréenne CBS, le 22, le comité de mesures urgentes de la zone industrielle de Kaesong a tenu à Séoul une réunion et proclamé de livrer la lutte pour revendiquer aux autorités l'indemnisation active due à l'interruption de fonctionnement de la zone industrielle de Kaesong, etc.